Send up respect, that was all to the article, Big Red. C'est des Dupont et d'un autre international. Oh, moi, tu vas hurler, mais ça. Pas de divigue, mais pas de mort, c'est ça. Oh, Marcel. À nos enfants de la Tessie, le jour de gloire vous est acquis. Ouvre les yeux pour voir que ce que je dis n'est que vérité et réalité. Aïe, aïe, s'il faut encore attendre. De nos cendres, on est trop des chics et vara. Pense planifique, calcule ce que demain sera. Une fois fini, prends du recul et puis on gagne l'histoire. Cesse de croiser la bulle, faut faire du chiponga. T'as que les bouffons qui fabulent la stratégie, il n'y a que ça. S'il passe par la maille, il vous trappe, il faut parler. Je file un conseil, c'est le jour de la paix, faut pas avoir les bras croisés. Hey, hey, hey. Je cours après l'oseille de Paris à Marseille, mais du bénéfice de Conti. Je suis que la samouraï, lancé dans la bataille, on vient pour encaisser. Mais c'est respect en taille, tant qu'il n'y a pas de maille, c'est la rugby. Mais si peu d'attention, s'il faut devenir patron, je ne deviendrai. Oui, ensemble, crayon, mon recon, mes pensées précèdent mes actions. Rebellion, révolution, Angel de Dust, c'est le nom de ma mission. C'est le grand vengeur de ma liberté chérie. Je ferai de ta demeure ma nouvelle colonie. Pour l'instant tu ne pleures pas mais ça viendra je te dis. Bientôt l'heure du bon sera pour moi espèce d'abruti. Les jeunes de la DAS leur dernier mot n'ont pas dit. Puisque perspicace en les mômes de 4 ans et demi. Ils représentent une menace pour ta société. Mais des soldats en masse dans tous les quartiers la nuit. Voiture en flamme comme essai rien brûlé. D'un côté les gendarmes, de l'autre des gens armés. Inutile de tirer l'alarme, elle est cassée. Qui a raison pour ton question déplacée. Je prends la pour divertir, mais plutôt pour t'avertir. Le monde doit nous revenir. Sans moi, tu devrais courir. Toutes les cités, ensemble, pas de mal. T'as des bigots, bien joué.